tout de suite sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. Quelques échos du réel, 55 minutes de radio coups humains, un thème et 4 épisodes. Cette semaine, La marche des banlieues et après, une série documentaire de Sébastien Descareide réalisée par Véronique Samouilov. Au départ de cette série, il y a des histoires qui s'oublient plus que d'autres, des récits qu'on efface, des espoirs déçus, des illusions perdues, des trahisons et de la colère. Il y a surtout ces listes interminables de crimes racistes des années 80, des jeunes gens qui ne voulaient pas que tout soit écrit à l'avance et voulaient être entendus, considérés et vivre à la même enseigne. Alors il y a eu cette idée de traverser la France tous ensemble, à pied, pour enfin tenter de faire corps pour de vrai. Mais il y a aussi le sillon colonial, des campagnes électorales sans vergogne et des énergies qui s'épuisent. Mais au départ, souvent, il y a une conscience politique entretenue par les aînés. Alors pour commencer, les personnages. Un couple de militants amoureux, des gauchistes, un homme d'église, des ouvriers expulsés pour une grève de loyer, des travailleurs émigrés, un médiateur, un vendeur de thé et des policiers pieds noirs. Ensuite, le décor. Une présidentielle mémorable, un gouvernement de gauche, des bidonvilles boueux, les usines Renault, Radio Beurre, le champ des Corneilles, des foyers Sonacotra, Ménilmontant, la guerre, un pavillon de Montreuil, Lyon, Vénissieux, Marseille, Nanterre et même la silhouette de Gandhi. Aujourd'hui, premier épisode, on cherche un ancien. Moi, Sébastien, j'ai grandi là. La 119, entre 5 et 11 ans, à la 119. Après, je suis parti au Maroc. 3 ans, je suis revenu à l'âge de 14 ans et j'étais à la 121. Et c'est là où tout a commencé pour le thé. Voilà, la 121, avenue Pablo Picasso, donc l'une des petites tours à Ayo qui donne du côté de l'avenue Pablo Picasso, justement. Nous sommes à Nanterre, dans le quartier des Tours Nuages, bâti par Émile Ayo. Les Tours de la Défense sont juste à deux pas d'ici. Et ça fait très longtemps que je ne suis pas passé par là. Mais est-ce que ça te dit qu'on aille à la place d'Alger? Pourquoi ils l'ont appelé la place d'Alger? Parce qu'il y avait plus d'Algériens que de Tunisiens et de Marocains. Assalamu alaikum. Comment va, mes lèvres, alaikum? On cherche Jamel. Jamel Atala. Ça te dit rien? La marche. Lidl, la marche des beurs, tu vois pas c'est qui? Jamel, celui de médiateur là. Ah ouais, la hafdek akhwa, la aouna. Bordé par Puteaux, Courbevoie, Rueil-Malmaison ou Suresnes, Nanterre reste marqué par l'histoire de l'intégration des immigrés et de leurs enfants en France. Les bidonvilles, apparus en 1962, les foyers et les centres de transit, la lutte contre les crimes racistes et le combat pour obtenir des droits sociaux et syndicaux. Le quartier Pablo Picasso rassemble encore de nombreux chibanis, ces anciens travailleurs maghrébins qui sont la première génération d'immigrés. Ces tours et ces rues portent aussi la trace de cette mémoire. Quelles étaient les aspirations de leurs enfants? Pourquoi se sont-ils battus? La situation actuelle est-elle si différente de celle d'hier? Jamel Atala, qui a fait la marche des beurs. Avec Mohamed, dit Théman, vendeur de thé et employé du théâtre par le bas, nous partons à la recherche de Jamel Atala, l'un des leaders de la marche pour l'égalité et contre le racisme de 1983, en orbite autour de Nanterre. On le cherche en fait. Ils étaient partis pour rester. Mais tu vois, je vais te dire un truc, Sébastien, tu vois, la meilleure période ici, c'est quand c'est le printemps-été et aussi quand c'est le ramadan. Pourquoi? Parce que il y a du monde, tu vois, la fois où on s'est rencontrés, on s'est baladé et tout, tu vois, c'était assez agréable, mais c'était pas pendant la période. Mais le ramadan, ça, bah, il y a une forte communauté maghrébine quand même. C'est, faut pas oublier que les premières personnes qui sont arrivées en France, quand il y avait déjà les bidonvilles, ce sont des personnes qui voulaient venir travailler. Et donc, du coup, ils sont venus. Salam alaikum. Ça va, moui la baisse? Mariam, ça marche? Ouais, alhamdulillah. Merci, moui. Merci, à bientôt, hein. Mariam. Au revoir, merci. Waha, moui, waha. Salam alaikum. Donc, tu disais que oui, effectivement, il y a eu les gens avaient d'abord habité dans les bidonvilles. Enfin, voilà, c'était un ouais, les bidonvilles et tout. Donc, ils sont venus pour travailler. Et c'est vrai qu'on leur avait. Eux, ils pensaient que c'était le paradis, tu vois, Sébastien. ils sont arrivés en France, ils se sont dit oh, on va travailler tout, donc ils sont contents. Et on leur a promis, oui, bah voilà, que vous allez arriver. Et du coup, ils arrivent, il y a de la boue. Enfin voilà, là, faut, voilà, il y a du pain sur la planche, il faut bosser. Et après, avec le temps, donc ils ont ramené leur famille. On les a autorisés donc à faire le regroupement familial. Et puis on les a regroupés. Ils ont ramené leurs femmes, leurs enfants et tout. Et c'est que comme ça que bah, ça s'est formé en fait. Sont 500 000 en France, 120 000 autour de Paris. Le nouvel État algérien ne peut pas encore les faire vivre. L'industrie reste embryonnaire et les naissances dépasseront pendant des années les emplois créés. Pour tous ces Algériens, venir en France est une nécessité vitale, mais tous n'attendent pas la même chose de la France. 16 millions de jeunes, ORTF, Nanterre, 1966. Pour les jeunes, nés dans les bidonvilles, le drame, c'est d'abord de savoir qui on est. Les bidonvilles, c'est le ghetto, la France, c'est l'Occident, et pour longtemps encore, l'Algérie, c'est un rêve. Quel métier, Fanny ? Tourneur. Vous aimez ce métier ? Bien sûr. Ouais. Du moment que j'ai fait un stage de 6 mois, c'est justement pour le pratiquer. Ouais. Et dans l'espérance de rentrer chez moi un jour en Algérie. Est-ce que vous n'avez pas un peu l'impression que les Espagnols, les Portugais, les Algériens sont là pour faire des travaux justement difficiles, durs, pénibles, un peu dangereux? Ben, vous savez, hein, ils sont obligés de gagner leur vie. Oui. Alors il faut bien qu'ils cherchent un travail même très très dangereux. Et il faut qu'ils travaillent pour élever leurs enfants. Moi, je suis arrivée dans les années, je suis arrivée dans les années 52. En France. Chez Sadika Amara et Youssef Boussaha, à Créteil. Une partie de ma scolarité, je l'ai faite à Saint-Denis. Et puis, il faut dire aussi que j'ai habité 17 ans dans une cité de transit. Mon père était militant au FLN et il était activement recherché par la Sûreté nationale. Et donc, on a mené un petit peu une vie de galères, de cages, de squats, d'interventions policières systématiques. Donc voilà, on a subi ça pendant toute mon enfance, jusqu'en 62, bien évidemment. C'est votre point commun à tous les deux, Youssef. Toi aussi, tes parents étaient au FLN. Oui, tout à fait. Mon père est arrivé dans les bagages de l'armée française durant la Deuxième Guerre mondiale. Et moi, je suis né en 1951 à Paris. J'ai vécu à Paris jusqu'à l'âge de 12 ans, donc durant la guerre d'Algérie. C'est le point commun avec Sadi concernant nos parents. Et mon père a fait de la prison durant cette période. Et en 1963, après la guerre d'Algérie, il a décidé qu'il était temps de rentrer. Et j'ai donc moi un parcours un peu particulier puisque j'ai vécu 7 ans à Alger, de 1963 à 1970, dans un quartier très populaire d'Alger qui s'appelle Bab El Oued. Je suis revenu à Paris en 1970, à Créteil, que j'ai pas quitté depuis. En fait, on a toujours été élevés dans le mythe du retour. Hein. Donc, mon père aussi a été incarcéré au Larzac pendant près d'un an. Il a été libéré à l'indépendance après les accords d'Évian. Et en fait, nous aussi, on s'était préparé à repartir puisqu'il s'était battu pour l'indépendance de l'Algérie. Les choses étaient quasiment prêtes. Et puis, je crois que ma mère n'a pas souhaité, en fait, au dernier moment, elle s'est rétractée et elle a dit qu'il fallait rentrer en Algérie une fois que ses enfants seraient diplômés, avaient des bagages suffisamment importants pour aider à la construction ou à la reconstruction de l'Algérie. Donc, et puis mon père a cédé parce que nous aussi, on souhaitait pas vraiment repartir. Mais on a continué quand même avec cette idée du mythe du retour et à aller en classe, à être diplômé pour pouvoir repartir. Et vous, vous travaillez dans une banque, je crois. Oui, j'ai travaillé dans une banque, mais maintenant, c'est l'arrêt final, pour dire. Oui. Parce que je ne suis pas, de nationalité française. Oui. C'est impossible pour moi, car mon père est un martyr de la révolution algérienne, pour vous dire au juste. Oui. Et cette boue, là ? Ouais, c'est la pluie qui a fait ça, mais on ne peut rien y faire. Hein. C'est un destin qui nous est fixé de vivre dans cette boue en ce moment. Pourquoi un destin comme ça ? Puisque les autorités françaises ne veulent pas nous aider. Alors on vit dedans, on marche, et puis on se dit, ce soir, on cirera nos chaussures. Vous voyez, là, mes pieds sont tout enfoncés, et je ne peux rien faire. À Nanterre, des années 60 à aujourd'hui, ceux qui ont mené ces combats ont-ils disparu ? Nous continuons à rechercher Jamel Atala. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Ça va, Khoya ? Tu vas bien, mon frère ? Abdullah. Monsieur, bonjour. Vous voulez boire un thé ? Cherbou atia, il m'a un thé, c'est vrai. Parce que quand on parle de Jamel, tu sais, avec le médiateur, là, Jamel... Jamel, ceux qui... Ah, Jamel Debbouze, non. Mais Jamel... Jamel Atala, qui a fait la marche des beurs. Ça vous dit rien, celui qui travaille médiateur le soir ? Il a les blousons... Vous savez, ceux qui ont les blousons verts, là. Ah ouais, Jamel, il connaît les lunettes. Jamel, voilà, ah ouais. C'est lui, bah, c'est lui qu'on cherche. Mais il travaille le soir, là. Ah, il travaille le soir, oui. Ouais. Mais Kounchala, il est pas ici Non, il travaille le soir, à partir de 19h, comme ça. Ouais. On se voit dans le quartier. D'accord. Merci pour le thé. Ah, c'est un thé ou c'est un thé, ça ? Ah, c'est un bon thé à la menthe. Eh, thé de Théman, hein. Ah, okay. Voilà, c'est un bon thé à la menthe. Okay. Ciao, frère. Merci pour l'info. Merci à vous, hein. Merci, au revoir. Merci, hein. C'est gentil pour l'info, hein. Merci. Merci pour le thé. Avec plaisir. Regarde-toi bien dans la glace et réfléchis, c'est important. Tu as choisi une épine, hélas, ce n'est pas une rose. À Paris, nous rencontrons Kaïs Atitous, à proximité du relais Ménilmontant, un des lieux historiques de l'éducation populaire et de la marche pour l'égalité. Alors, moi je m'appelle Kaïs Atitous. Je suis née dans un village de Grande Kabylie, donc dans les montagnes. Et je suis arrivée en France à l'âge de 7 ans, dans les années 60, dans le cadre d'un regroupement familial. Nous étions deux filles et nous sommes arrivées avec ma mère, mon père étant arrivé en France bien plus tôt. Il était OS chez Renault aux fonderies. Et j'allais chercher mon père à la sortie de l'usine Place Nationale, où il y avait des grèves, des réunions. Donc toute notre vie, pendant très longtemps, a tourné autour de l'usine, du syndicalisme, du comité d'entreprise, des fêtes de chez Renault, des débats, etc., etc. L'ambiance dans l'usine Renault était une ambiance difficile. Les ouvriers étaient quand même dans des travaux extrêmement pénibles et durs. Il y avait l'atelier de pressage où on faisait, je dirais, les tôles des voitures et les mecs passaient leur journée quand même à taper sur la tôle, ce qui fait que finalement beaucoup en sont tombés malades. Donc des conditions très très très très dures. Mais c'était pas les seuls, parce que le lot de travailleurs immigrés algériens, marocains, tunisiens, sénégalais ou maliens travaillaient aussi bien, par exemple, à Fos-sur-Mer que dans l'usine Peñarroya, dans des usines où on maniait la peinture, les produits dangereux. Et les premières grèves, d'ailleurs, se font sur le thème de la défense de la santé. Et puis, la volonté d'être correctement rémunéré, c'est-à-dire à égalité des travailleurs français, puisque c'était ça, et la question des papiers et du logement. Ces trois questions, en fait, vont se retrouver tout au long de ce siècle, qui sont des questions récurrentes et qui sont portées par la première génération d'immigrés. Et ces questions vont être transmises renouvelée par leurs enfants et leurs petits-enfants aujourd'hui. Journal télévisé, Antenne 2, 1979. Actuellement, 4 200 000 étrangers vivent en France. 1 700 000 y travaillent, 110 000 sont inscrits au chômage. Leur contribution au développement économique est importante. Ils construisent une maison sur trois, ils produisent une voiture sur quatre. Dans les mines de charbon, la voirie, la construction des ponts et des autoroutes, les services domestiques, la sidérurgie, ils représentent de 30 à 80% des effectifs actifs. Souvent en poste de travail les plus durs, puisqu'un immigré sur deux est manœuvre ou OS, ils sont deux fois plus touchés que les Français par les accidents du travail. Alors, le gouvernement il discute souvent, mais il n'a jamais discuté pour le problème de l'immigration, surtout les gens qui sont perdus la santé ici. Il y a des centaines de personnes. Alors, le cas de moi-même, je suis venu 65 en France, je suis venu directement, je suis embauché chez Renault comme payant soudeur. Je travaille pendant 2 ans. Maintenant, je suis inapte de soudure. Je ne suis connu ni par le patron, ni par le secrétaire social. Vous risquez d'être expulsé de France? Si demain il y a licenciement, comme ma carte est bientôt finie, mois septembre, si la régie l'a dit, celui-là n'a pas besoin de lui, je suis sûr qu'il me fout à la porte. Allez, si demain qu'il me fout à la porte, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Chez moi ou en France? J'ai perdu ma santé, j'ai perdu mon métier, je suis 40 ans bientôt, je suis marié, j'ai 2 gosses, alors qu'est-ce que tu veux que je fasse? Moi, ce qui m'a poussé à militer, c'est que j'avais vu et j'avais suivi Caïssa Titus. Toutes les luttes chez Renault. Mon père était militant au Parti communiste et il était syndiqué à la CGT. Et puis mon père avait été aussi un militant du FLN, donc moi je faisais les manifs pour la paix en Algérie avec mon père. Donc très jeune, à l'âge de 7 ans, je défilais avec lui et puis... Il y avait dans l'usine aussi toute cette effervescence pour lutter pour l'indépendance de l'Algérie. Enfin, je veux dire, en 68, il y a eu la grève chez Renault. Mon père faisait le piquet de grève à l'intérieur de l'usine avec ses copains. Je pense qu'il faut, je veux dire, la marche n'aurait pas eu lieu si ces gens-là ne s'étaient pas battus avant et s'ils nous avaient pas transmis une certaine histoire. Donc c'est j'avais déjà quand même cette sensibilité. Je voyais bien qu'il y avait des choses qui n'allaient pas à l'école. Bon, c'est arrivé qu'on traite mes parents de ratons, de bougnoules. Donc c'est cette ambiance-là, quoi. Si vous permettez, je vais essayer de citer. Voilà. En 71, chez Panaroya, qui était une usine de matières extrêmement dangereuses, de peinture, etc. C'est la première grève à l'initiative des immigrés, essentiellement, qui en plus ont gagné. Il y a la grève, toujours en 72, la grève générale des ouvriers à Marseille contre les crimes racistes, grève de la faim contre les descentes de police dans les hôtels et les foyers, et contre l'expulsion fréquente des églises et des presbytères où les immigrés trouvent abri. En fait, les gens n'ont pas du tout rasé les murs, ils n'ont pas été dociles. TF1, 1976. L'évêque de Saint-Denis s'indigne, les partis de gauche protestent, les associations contre le racisme demandent des explications au ministre de l'Intérieur, bref. Une nouvelle polémique politique s'engage à propos de l'expulsion hors de France de 16 travailleurs immigrés de la Seine-Saint-Denis. Ces travailleurs, des Algériens, des Tunisiens et des Sénégalais, sont accusés d'avoir déclenché une grève des loyers dans les foyers de la Sonacotra, une société nationale chargée précisément de loger les travailleurs immigrés. Alain Rodier s'est rendu dans l'un de ces foyers. Depuis près de 4 ans, une partie des travailleurs immigrés qui habitent les foyers de la Sonacotra refusent de payer leur loyer. Ils en estiment le prix trop élevé, 270 francs pour une chambre d'environ 8 mètres carrés, et ils protestent aussi contre le manque de confort. Moi, je pense que la transmission s'est faite sur la conscience de la condition ouvrière. C'est-à-dire que très jeune, on a compris qu'on était enfant d'ouvrier. C'est très important pour déterminer... une conscience de son identité sociale. C'est quelque chose qui ne m'a jamais quitté. Je veux dire, on connaissait quand même toute une série de gens qui habitaient dans les foyers. Et c'était des conditions absolument épouvantables. Les foyers Sonacotra. Les foyers Sonacotra, qu'on démolissait, qu'on rénovait pas, les marchands de sommeil, les hôtels. Il fallait imaginer toute cette vie quand même de relégation. C'est bidonville. Quand même toute une série de gens qui ont été élevés dans les bidonvilles de Champigny, de Bondy, de Nanterre. Les gens partaient de leurs conditions pour lutter. On partait de l'usine, c'est-à-dire les primes, le salaire, l'avancement. On partait des questions de logement. Ce qui fait que finalement, on pouvait s'identifier. Chacun retrouvait d'une certaine manière sa propre condition dans les luttes. Lorsque je me retrouve durant mon adolescence à Alger, Youssef Boussard, il n'est pas question de militer dans quoi que ce soit, hein, sauf au parti unique, hein, ce qui nous intéressait absolument pas. En revenant à Paris, je m'inscris en fac de médecine. Et puis là, la condition ouvrière me saute aux yeux. Je me mets à rencontrer et à fréquenter des gens qui sont pas du tout du même milieu que moi. Et puis je fais ensuite la connaissance des mouvements gauchistes de la fac de médecine, qui nous aimaient beaucoup d'ailleurs, nous les quelques fils d'ouvriers qui fréquentions la fac, pour faire le coup de poing contre les FAF. On était très sollicités pour ça. Bon, moi ça m'a permis quand même de me former un petit peu sur le plan politique et militantisme. Durant toute cette époque, je me suis absolument pas intéressé à la question de l'immigration. C'est venu bien plus tard, c'est venu d'ailleurs d'une manière tout à fait particulière, puisque j'ai assisté par hasard à la première pièce de La Caïda. Il passait à Champigny. Ben c'est là aussi où j'ai fait la connaissance de Sally. La première pièce était pour que les larmes de nos mères deviennent une légende. Et donc c'est comme ça que Youssef, et ben il a flashé. Il n'a pas dit, mais il a flashé sur moi sur scène. Hein, quand même. Et ça reste vrai 40 ans après. C'est terrible. Hein. Et on s'est mis à militer ensemble au travers de Sans Frontières, puis de Radio Beurre et de l'ANGI. Association de la nouvelle génération immigrée. Alors là, on est ce qu'on appelle la place d'Alger. Mohamed Théman. Et on va chercher, on va aller voir les Chibani là pour essayer de demander Jamel, s'ils connaissent Jamel. Assalamu alaikum. Ça va, Amé Labès? Vous allez bien? Très bien, ça va, alhamdoulilah. Salam alaikum, Amé Labès. Alaikum, Bekhet. Alhamdoulilah. On cherche Jamel. Jamel, ah oui. Il est pas là ce matin. C'est pas son heure. Ça vous dit quelque chose, la marche pour l'égalité de 1983 ou pas? Merci à vous. C'est gentil, messieurs. Merci. Shukran. Allah aoulkoum. Merci. C'est vrai que Jamel, peut-être qu'on le connaît pas, c'est quelqu'un aussi de vachement discret dans le fond. Moi, quand je le côtoie le soir, quand je le vois et que je lui offre un thé, je lui dis « Jamel, raconte-moi un peu ton histoire et tout ça. Dis-moi, il a vécu des bonnes choses et j'ai envie de savoir, ça m'intéresse parce que je vais peut-être indirectement hériter de ce qu'il a fait et dans son combat. Moi, je suis plus jeune que lui, forcément. Donc, Jamel, moi, pour moi, il fait peut-être partie de ces gens-là qui ont marqué l'histoire de la France. » C'est important. Dans les cités HLM, la classe ouvrière française vivait à peu près potablement avec les immigrés. On les aimait peut-être pas, mais finalement on avait du travail, on avait un logement, on vivait dans leurs cafés, dans leurs hôtels. Ils n'avaient pas de prétention de gérer la ville, ils n'étaient pas en concurrence avec l'élite française, etc. C'est quand les jeunes ont commencé à devenir visibles, c'est-à-dire à vouloir sortir du quartier, ne pas rester chez eux, ce qui a été le grand déclencheur en fait de ce mouvement des quartiers, c'est quand même l'arrivée de la gauche au pouvoir en 81. Rue de Solferino, au PC de campagne de François Mitterrand. Dès 18h30, on savait qu'il avait gagné. À 20h, c'est la certitude. Ils attendaient ça depuis 23 ans. Les résultats qui me sont communiqués à l'heure où je m'exprime annoncent que les Françaises et les Français ont choisi le changement que je leur proposais. Cette victoire est d'abord celle des forces de la jeunesse, des forces du travail, forces de création, forces du renouveau qui se sont rassemblées dans un grand élan national pour l'emploi, la paix, la liberté, thèmes qui furent ceux de ma campagne. C'était quand même l'aboutissement d'années de lutte de nos parents, des ouvriers, en pensant que les choses allaient vraiment changer. Une grande espérance et une grande attente. C'était quand même une revanche sur une droite, une revanche sur la colonisation. On enterrait la guerre d'Algérie d'une certaine manière, tous ces gens qui l'avaient conduite. On espérait dans l'égalité. Parce que pendant des années, on nous avait répété que c'est parce que la droite était au pouvoir que les immigrés n'avaient pas de droits. Et qu'on était relégués comme ça dans la société française. Et la gauche nous avait tellement promis. Nous avons tant à faire ensemble. Et tant à dire aussi. En 81, il y a François Mitterrand, c'est la gauche qui passe au pouvoir. Salika Amara. On ne votait pas encore, mais pour nous, c'était quelque chose de grandiose. Et il avait décidé que les étrangers pourraient avoir leurs propres associations. Et donc, on a fondé la première association issue de l'immigration, donc qui est l'ANGI, en 81, novembre, qui veut dire Association de la Nouvelle Génération Immigrée. Et notre slogan, c'était de dire qu'on se réappropriait notre histoire et que, puisque François Mitterrand avait dit qu'il fallait changer les mentalités, on avait décidé de changer les mentalités. Et puis, 15 jours après, on a créé la radio, qu'on a appelée donc Radio Beurre. Eh bien, bonsoir les auditrices. Bonsoir les auditeurs. Vous êtes avec Linda. Et Hamid, bien sûr. Sur Radio Beurre. En 107 à MHz. Radio Beurre, 1982. La première idée, c'est de nous regrouper par rapport aux radios migrées, mais nous, on se situe dans le champ social et culturel français, on refuse donc ce ghetto, même si on a un lien avec l'immigration dans le sens qu'on représente malgré tout l'immigration familiale, mais on représente aussi une expression propre, c'est-à-dire en tant qu'enfant immigré ayant les deux cultures, et beaucoup plus la culture française que la culture du pays d'origine, on préfère se situer dans ce champ-là, dans le sens que c'est notre pratique de tous les jours. La mixité culturelle, eh ben, ce sont diverses cultures qui dialoguent entre elles, qui fusionnent et puis qui portent leurs fruits. Nous, on a envie de déstabiliser donc, le discours officiel tel qu'il veut nous cataloguer jusqu'à maintenant, essayer d'apporter un début de réponse au niveau social et culturel, c'est-à-dire essayer d'innover et pour une fois donner donc, des moyens d'expression, de création à cette jeunesse qui est plus ou moins déséquilibrée du fait qu'il n'y ait aucune politique cohérente. Tu sais qu'oxygène, c'est un terme qu'on a vachement utilisé dans l'équipe. Hein, ouais, en particulier, surtout Nasser. C'est Nasser, ouais, qui disait donc qu'on était l'oxygène de la société française. Carrément, tu vois. Les gens ne te touchent pas, faut faire le premier pas. Tu voudrais dialoguer sans renvoyer la balle. Impossible d'avancer sans ton gilet pare-balles. Donc Radio Beurre, c'est une association qui est créée par un groupe d'amis qui a un local à Montreuil. Dans un pavillon, avec une cuisine, une chambre et une salle, où d'un côté il y a les micros comme aujourd'hui, et puis de l'autre côté la table de montage. Voilà, et on arrive avec ses disques, ses cassettes, et voilà, on fait de la radio, et c'est formidable. Eh ben, moi, j'ai fait plusieurs émissions, mais notamment une que j'aimais bien, c'était Salut les taulards. ceux qui étaient en prison, voilà, Tollard m'écrivait des lettres que je lisais et je reçois des lettres d'amour. Ils ne m'avaient jamais vu et bon, j'aurais pu être avoir 70 ans qu'ils ne l'auraient pas su. Et puis, ils me parlaient de leurs conditions, de leur misère, les choses, comment elles se passaient là-bas. Et ils dédicaçaient en fait des disques à des copines, à leur famille. Et pour eux, cette radio, ça avait été vraiment une espèce de bouffée d'air. C'était important parce qu'ils pouvaient enfin communiquer. Et ce n'était plus des numéros d'écrou, mais c'était des gens qui existaient de par leur nom. Il y avait aussi toute une série de mecs qui venaient pour draguer, pour faire la fête. C'était un lieu où les gens pouvaient un peu se lâcher, quoi. Il y avait tout ça. Ça a été aussi un moment où il y avait la promotion de la culture, la promotion des disques, la promotion de la musique. Radio Beurre, c'était l'irruption de sa propre culture dans sa maison et dans sa cuisine. C'est des gens qui parlent la langue arabe, la langue kabyle, et c'est la possibilité pour les femmes de se reconstruire un imaginaire qu'elles avaient délaissé. Il y avait Jamel Alam, il y avait Shrifa, il y avait Noara, mais il y avait Atoubleness, comment il s'appelle, Idir, il y avait Djurdjura, le groupe de femmes qui était très à la mode à l'époque. Et Radio Beurre servait aussi de lien entre les quartiers. Parce qu'à l'époque, ça n'intéressait ni les radios, ni les télés. Enfin, je veux dire, quand il y avait un crime raciste, ou quand il y avait une ratonnade, ou quand il y avait une grève, ou quand il y avait des descentes de police. Aujourd'hui, on peut téléphoner à France Inter, on peut téléphoner à France Culture, on peut aller voir les journalistes, il y a des gens qui parlent la même langue. Bon, et on est capable de convaincre. Mais à l'époque, personne ne venait, à part quelques journalistes qui étaient au fait de la question. Donc, pour nous, c'était devenu un outil politique pour organiser des gens, pour accompagner l'émergence des jeunes, des quartiers, des femmes, et pour pouvoir faire émerger une parole collective. Nous, en tout cas, ça a toujours été notre point d'ancrage dans cette radio. Ce pavillon Montreuil, qui était très petit, quand il y avait un événement, par exemple à Aulnay, à Bondy, à La Courneuve, une manifestation, une injustice, un acte raciste, un jeune qui avait été raflé par la police, les gens nous téléphonaient. Tout le monde connaissait le téléphone de Radio Beurre. Bon. On prenait notre magnéto, on achetait nos piles et nos cassettes, et on arrivait sur le lieu, et on cherchait, on était un peu des enquêteurs, on cherchait à savoir ce qui s'était passé. À Vénissieux, c'est la violence au quotidien. Un dossier ouvert devant vous depuis ce matin sur France Inter. Dans cette banlieue lyonnaise, le quartier des Minguettes est chaque jour le théâtre d'affrontements et de dégradations. Voitures incendiées, magasins saccagés. Dans ce quartier à forte concentration maghrébine, le chômage et le ramadan ont servi de détonateur. C'est l'avis de l'adjoint au maire de Vénissieux, Guy Fischer. Ces incidents. Nouvelle manifestation cet après-midi à Marseille, après le drame de samedi soir, au cours d'un contrôle policier, un CRS a tué d'une rafale de pistolet mitrailleur un jeune Algérien qui se trouvait en compagnie de trois de ses amis dans une voiture. Le CRS, qui avait 24 ans, a été inculpé d'homicide involontaire et écroué aussitôt à la prison des Baumettes. La victime avait 17 ans. Un jeune nord-africain, je vous l'ai dit, la tension a brusquement remonté dans les milieux algériens de Marseille. Un défilé est prévu donc en fin d'après-midi sur la Canebière avec la participation du MRAP, le mouvement contre le racisme, l'antisémitisme pour la paix. Ah, ça s'est passé là devant, vous voyez. C'est celui qui lui a tiré dessus, c'est un bonhomme du pavillon d'en face, là, la fenêtre blanche. Il revenait mon frère Abdenbi revenait tranquillement de la mosquée. Quand tout à coup il a passé ce qui lui est arrivé, il est tombé là, sous les balles de l'individu qui tirait de la fenêtre là-bas. Et pourquoi est-ce qu'il tirait de sa fenêtre? Il tirait de sa fenêtre, c'est ce qu'il a dit, c'est qu'il y avait des gamins qui le harcelaient en lui jetant des pierres, ceci, cela, qu'on n'arrêtait pas de l'ennuyer. Et il a pris sa carabine, il a commencé à arroser la cité, il a tiré sur des petits gamins qui s'étaient cachés. Il s'appelait Wanis Toufik, et comme de nombreux enfants de son âge, à la cité HLM de la Courneuve hier soir, en Seine-Saint-Denis, il fêtait la fin du ramadan. Avec ses copains, il faisait éclater des pétards. Dans un premier temps, un voisin excédé par le bruit a jeté sur le groupe d'enfants une bouteille d'eau et puis quelques instants plus tard, c'est le drame, un coup de feu éclate, Wanis Toufik, qui allait avoir 10 ans le mois prochain, s'écroule, mortellement blessé. Le drame s'est déroulé peu après 20h et depuis hier soir, la police tente de retrouver la personne responsable de ce crime. Serge Martin, vous avez passé la nuit à la Courneuve. Alors, on appelait ça les crimes racistes et sécuritaires. Il y avait beaucoup de tontons flingueurs, de gens qui tuaient des maghrébins, des jeunes maghrébins, des voisins, des mecs racistes, des ouvriers. Il y a eu dans les années 82, 83, 84, 150 personnes qui ont été tuées, jeunes, qui ont été tuées par des tontons flingueurs. Il y a eu Wahida Chichi qui a été tuée à Lyon. Il y a eu Abdendi qui a été tuée à Nanterre. En sortant de la mosquée, par un monsieur qui était propriétaire d'un pavillon et qui pensait qu'Abdenbi Gemial voulait le cambrioler. Il y a eu Toumi Djaïdja qui a reçu une balle dans le ventre. Donc il y avait, une chasse aux jeunes qui a été extrêmement meurtrière. Et la marche de 83, elle s'inscrit dans cette logique. Je m'appelle Slimane et j'ai 15 ans, je vis chez mes vieux à la Courneuve. J'ai mon CAP délinquant, je suis pas un nul, j'ai fait mes preuves. Dans ma bande, c'est moi qui ai le plus grand, sur le bras j'ai tatoué une couleuvre. Je suis pas encore allé en tôle, paraît que c'est à cause de mon âge. Paraît d'ailleurs que c'est pas Byzance, que t'es un peu comme dans une cage. Parce que ici tu crois que c'est drôle, tu crois que la rue c'est les vacances. J'ai rien à gagner, rien à perdre, même pas la vie. Que la mort dans cette vie de merde, j'aime ce qui est cassé, j'aime ce qui est détruit, j'aime surtout tout ce qui alors, ouais, viens. Oh. Hey, tu mon frère, tu me vois de loin, tu pars. C'est pas bien. Eh ben, il faut que je t'offre un thé, non? Ouais, t'es man. Attends, t'es en scooter et attends. Ça va, regarde. Ouais. On cherche Jamel. Jamel Attala, celui qui est responsable, tu sais, de l'équipe là, qui fait de la médiation, tout ça. Ouais. Tu sais qu'il est t'es au courant, il a fait la marche des beurs, lui. Non, je suis au courant. Mais comment t'es pas au courant, sérieux? Non. T'as vu comment il est discret? Eh ben, il a fait la marche des beurs, mon frère. Il s'est battu pour nos parents, pour obtenir la carte de séjour. C'est lui, croyant. Oh là, c'est lui, mon frère. On le cherche, là. Cherchez Jamel. Oh là. Mais 1983, t'étais peut-être pas né. Ah non, ouais, moi j'étais pas né, c'est pour ça. Je suis un 90, moi. Je sais pas, il doit être peut-être donc. Tu connais bien, ça, toi? Ça me fait bien sûr que je le connais. Ça me fait plaisir, frérot, de te revoir. Ouais. Vas-y, là. Vas-y, frérot. Vas-y, bonne journée. Ok, ça va. Ok, frangin. L'arbre croyant. Prends toi, frère, au plaisir, Inch'Allah. Ça m'a écouté. Sentir appartenir à un peuple, à une patrie. Je porte autour de mon cou, sur mon cuir, le kéfier noir et blanc et gris. Je me suis inventé les frangins, des amis qui crèvent aussi. J'ai rien à gagner, rien à perdre. Salut. Bonjour, Jamel. C'est un vrai quartier populaire. On a eu un peu de mal pour vous trouver. Un quartier qui va se transformer. On vous a cherché avec Mohamed Théman. Vous connaissez Mohamed? Oui. C'est une personnalité dans le quartier quand même. On va s'installer. Après avoir arpenté Nanterre, nous finissons par trouver Jamel Attala, un des leaders de la marche pour l'égalité, de 1983, au 7e étage d'une tour, non loin de la place d'Alger. Moi, je me souviens quand j'avais 15 ans, quand je suis arrivé au Maguette, je suis arrivé dans les années 69-70. Quand je me faisais verbaliser ou interpeller, il y avait un vocabulaire qui n'existe plus maintenant, mais je l'entendais, enfin, il me résonne encore dans ma tête, c'était Petit Fellaga, donc ça faisait directement référence à la guerre d'Algérie. Et c'est avec le temps que j'ai appris, avec le temps, quand j'ai grandi, que il y avait peut-être quelque chose qu'il fallait extraire. Et jusqu'à aujourd'hui, on l'a pas encore extrait. Je veux dire, et on subissait cette brutalité. Il faut savoir qu'à l'époque, le corps policier français à l'époque, il avait bénéficié un petit peu de la C'était un peu la discrimination positive, hein. C'était les anciens pieds noirs d'Algérie qui avaient, voilà, beaucoup investi le corps policier, le corps préfectoral et tout ça. Donc, c'était difficile le regard qu'ils avaient sur ces petits jeunes basanés, quoi. On l'avait senti qu'on était différent des autres, qu'on avait un traitement complètement à part, que, il y avait cette discrimination aussi de territoire qui existait. Quand on venait des Minguettes, eh ben, on venait pas de Saint-Fons ou de Moulins à Vent. Je veux dire, la connotation, le nom, qui est très connoté, très marqué, on était tous dans le chômage, quoi. Non seulement une grande partie était en échec scolaire, donc ils n'avaient pas les bagages pour pouvoir se vendre dans le marché du travail. Il y avait, c'était aussi la fin des 30 Glorieuses aussi, hein, dans les années 80. Et on n'avait pas de perspective, on n'avait pas d'ouverture et on voulait faire notre vie. On avait 18, 19, 20 ans, on voulait travailler, gagner de l'argent, sortir, s'habiller, avoir une vie amoureuse. Et tout ça, on n'avait pas, donc. Je suis né en 1950, pour ne rien vous cacher. Christian Delorme, ancien membre de l'équipe de direction de la CIMADE, surnommé le curé des Minguettes. Et dès mes 17-18 ans, parce que j'habitais le quartier de la Guillotière, qui est un peu le poumon maghrébin de l'agglomération lyonnaise, j'ai eu des relations, des liens naturels avec des familles de l'immigration, surtout algérienne. Et j'étais progressivement happé, en raison surtout des amitiés liées, nées avec des familles, happé par cette solidarité avec le monde de l'immigration, donc dès les années 70, 71, 72, vous voyez, ça ne nous rajeunit pas. Et progressivement, j'ai découvert la réalité de ce qu'on va appeler la deuxième génération, de ces jeunes qui arrivaient et qui ne savaient plus trop qui ils étaient et personne ne savait trop qui ils étaient. Et moi ensuite, c'est une époque où je fais mes études pour devenir prêtre et où je me retrouve jeune prêtre à partir de 1977 dans la ville de Saint-Fons qui est mitoyenne du quartier des Minguettes. Et ce sont les policiers et les journalistes parisiens qui m'ont donné cette étiquette de curé des Minguettes qu'en réalité je n'ai jamais été puisque j'étais prêtre à Saint-Fons, c'était le même secteur, etc. Mais les policiers disaient « tiens, voilà le curé ». Et puis ensuite, les journalistes qui sont arrivés, on cherchait le curé qui avait le lien avec les jeunes. Voilà, c'est comme ça que les choses se sont... À l'époque, on a beaucoup subi, enfin, on était très influencés par les mouvements non-violents. On en parlait beaucoup dans les années 80. Il y avait une petite mini-série qu'on voyait le samedi soir sur l'histoire de Martin Luther King. Elle diffusait le samedi soir. Souvenez-vous du film sur Gandhi où, sur le plan médiatique, on en a beaucoup parlé. L'arrivée de Christian Delorme aussi... qui gravitait autour des jeunes des Minguettes et on va dire l'idée elle s'est tellement on a été influencé, tellement on était dans une situation de crise qu'à un moment il fallait trouver une porte de sortie. Alors ce qui est important de rappeler parce que là aussi on le dit pas souvent, à l'époque pendant aux Minguettes, il y avait on va dire deux grandes tendances qui se dessinaient dans le groupe des jeunes de rue Gaston Monmousseau, la tendance un petit peu non violente incarné par le groupe qui était autour de Toumi, et une autre tendance qui, on va dire, était un peu influencée par des groupuscules d'extrême gauche à l'époque, c'était une tendance un peu plus radicale, un peu plus violente. Moi, Jamel Atala, c'est vrai que j'étais un peu plus dans la tendance un petit peu plus radicale, et celui qui a réussi à me convaincre de rejoindre ceux qui avaient la volonté, au contraire, d'essayer de développer une initiative non-violente, c'est Christian Delorme. J'étais l'un des premiers d'abord à me méfier du père Delorme en me disant « qu'est-ce qu'il vient faire ici ? On le connaît pas, même si il est connu pour des combats non-violents, parce que quelques temps avant, il avait fait 2 ans avant, il avait fait une grève de la faim sur des questions d'expulsion, mais j'étais de ceux qui me méfiaient beaucoup. « Some men change their times. » One man changed the world for all time. My name is Gandhi, Mohandas K. Gandhi. Well, whoever you are, we don't want you here. I suggest you get back on that train before it leaves. They seem to want me. Columbia Pictures presents a Richard Attenborough film, Gandhi. 100,000 Englishmen simply cannot control... Et Christian Delorme avait tout de suite repéré ceux qui avaient une influence ou une ascendance sur les groupes de jeunes. C'est pour ça d'ailleurs qu'il s'est beaucoup rapproché de moi et avec son discours, avec nous, il nous diffusait aussi des cassettes vidéo à la MJC de l'époque. Hein. Il nous parlait beaucoup de Gandhi aussi. Il parlait aussi de Dalai Lama à l'époque. Hein. Il était très intéressé aussi à ces questions sur le Tibet et tout ça, sur leurs actions un peu non-violentes. Donc il a réussi, il a pris le temps de me convaincre. Mais il n'y avait pas encore l'idée de lancer une grande marche. John Mills, Rohini Hatangadi, and introducing Ben Kingsley as Mohandas Gandhi. I am a Muslim. Père de l'Orme, déjà, il avait une attitude un peu de médiateur. Hein. Il avait bien repéré ceux qui avaient un petit peu l'esprit pas trop violent, plutôt des gens, entre guillemets, un peu dociles et qui se lanceraient de manière naturelle dans des actions non violentes. Et il avait repéré ceux qui avaient un discours un peu radical et qui disaient œil pour œil, dent pour dent. Moi, j'étais de ceux-là qui disaient œil pour œil, dent pour dent, parce que on ramassait tellement souvent, ça veut pas dire que il y avait pas aussi des problèmes de délinquance à l'époque, et ils existaient aussi, je veux dire. Il fallait vraiment influencer ce groupe de jeunes pour qu'ils puissent aller plutôt dans des mouvements non violents. Et donc c'est là où vous créez SOS Avenir Minguette. Non, SOS Avenir Minguette, elle s'est créée pendant la grève de la faim, bien avant la marche. Il faut savoir que les jeunes qu'on était à l'époque dans ces quartiers-là, en grande majorité, ils étaient totalement tous en échec scolaire. Je veux dire, il n'y en avait pas un qui avait réussi à franchir le cap du bac et faire la fac. Donc, on n'était pas, on va dire, pas très cultivés, pas très informés, même des actions associatives. Même le mot même association, on ne savait pas ce que ça voulait dire. Donc, on a été énormément soutenus et aidés par des gens qui connaissaient tout ça. Et on s'est dit qu'il fallait créer cet outil pour fédérer l'ensemble des habitants autour de projets communs. Il y avait les projets de rénovation du quartier, déjà, qui étaient bien enclenchés, mais on voulait faire en sorte que la population soit associée à tout ça, et en même temps une association qui nous permettait de sortir du quartier, parce que on va dire à cette époque-là la frontière c'était dès qu'on sortait des Minguettes c'est comme si on sortait d'un autre pays quoi, cette association nous a permis de construire des centres de vacances, et ces centres de vacances on les a en partie un peu autofinancés et en partie on a été énormément aidés aussi par les institutions de l'époque, locales et puis aussi préfectorales. Hein. Personne d'entre nous avait un diplôme d'animateur, mais en quelques jours on avait eu des dérogations préfectorales et on était devenu animateur. Donc nous a aussi servi à ça cette association, et effectivement au moment de la préparation de la marche, elle a été vraiment d'une très grande utilité. Quand en tout cas le mouvement de la marche se déclenche, donc dans les années 80, au début des années 1980, les Minguettes incarnent l'échec des grandes cités qui ont été construites au début des années 60 et au long des années 70. La crise du marché de l'emploi est arrivée et beaucoup de gens se sont retrouvés assignés dans ces tours en n'ayant plus beaucoup d'espoir de quitter ces quartiers pour des lieux plus vivables, plus agréables. Et les cités de travailleurs sont devenues progressivement, en tout cas certains quartiers, sont devenus des cités de chômeurs. Et le quartier, le sous-quartier des Minguettes, d'où est partie la marche, le quartier de Montmousseau-le-Bas, c'est un quartier qui faisait en 82-83 terriblement sinistré, puisque vous aviez, je ne me souviens plus maintenant, mais un nombre de tours qui étaient complètement vides. Et ça ressemblait, enfin, je le dis parce que j'ai vu ça aussi, j'ai vu le Liban en guerre. Il y avait des aspects de quartiers bombardés, tout simplement parce que dans ces grandes tours, eh bien, il y avait des gens qui étaient venus récupérer du matériel, il y avait des fenêtres cassées, des fenêtres ouvertes, des portes ouvertes, des démembrements de sanitaires, etc. Donc on avait vraiment un sentiment de chaos. Et au milieu de tout ça, il y avait des gens. Et quand on a une telle ambiance, évidemment, ça ne peut que... Les gens qui habitent là ne peuvent que se sentir dégradé, méprisé, voilà. C'est ça le contexte des années 80. Il y a eu le drame quand Toumi, on était trois ce soir-là, a reçu une balle d'un maître chien. On était trois, quatre jeunes à l'extérieur devant le bâtiment numéro 10 de la rue Gaston-Montrousseau. Et on entend un peu plus bas dans la rue un gamin crier, hurler. Nous, on était en hauteur, on est descendu, il y avait trois personnes. Il y avait moi-même, Toumi et Kader Khalifa. Quand on est arrivé sur les lieux, on a vu un chien déchiqueter un gamin, donc il lui mordait le mollet. Et Toumi a eu le malheur de mettre un pied en avant. Et là, il y avait le maître chien, donc armé, hein, qui dit verbalement comme ça, tout goût, laissez faire le chien. Donc il s'adressait aux trois personnes qui étaient présentes. Et là, quand il a mis le pied en avant, il y a eu détonation. Détonation, Toumi tombe, les yeux blanchis, le sang qui coule. Voilà. Et à partir de cette nuit, il y a eu tout le quartier qui était en ébullition et enfin, vraiment, il y a eu tous les jeunes de tous les quartiers parce que les Minguettes, c'était pas que Montmousseau. Je veux dire, c'est un ensemble, un grand ensemble, donc de beaucoup de quartiers. Et la nouvelle a été en moins d'une heure, tout le monde était au courant et tout le monde s'était rassemblé. Et c'était une nuit hyper hyper dramatique. Moi, comme j'avais entendu pas, je savais ce qui se passait à Lyon, vu qu'il y avait eu la grève de la faim en 81 avec Costil et Delorme. Et puis, donc les gens de la région lyonnaise, ils nous connaissent parce qu'on fait des reportages. Et au mois de juillet, on reçoit un courrier Radio Beurre hein, de la part de Christian Delorme qui nous annonce qu'il va lancer une marche. Suite au fait que Toumi Djaïdja a reçu une balle dans le ventre, suite à l'été meurtrier 82, où il y a eu quand même beaucoup de jeunes, etc. Et puis suite aux descentes de police à Vénissieux, entre les bagarres entre la police et les habitants du quartier. Et il nous invite à rejoindre cette initiative. Lyon, le 22 août 1983. Chers amis, voici près de 2 ans et demi. En avril 1981, vous nous avez accompagnés dans notre grève de la faim de 29 jours pour l'arrêt des expulsions de jeunes étrangers et pour la reconnaissance du droit de ceux-ci de vivre en France chez eux. Aujourd'hui, avec nos jeunes camarades de SOS Avenir Minguette, nous croyons devoir prendre une nouvelle initiative ambitieuse pour laquelle nous venons solliciter votre participation. L'initiative, la voici. Organisée du début octobre à la fin novembre 1983, une grande marche pour l'égalité à travers la France, rassemblant des habitants de notre pays de toutes origines, pour la constitution d'une nation solidaire. L'idée nous est venue après que Toumi Djaïdja, président de SOS Avenir Minguette, ait failli mourir sous la balle d'un policier, et dans le constat qu'un climat de rejet des communautés de couleur, particulièrement maghrébines et antillaises, se développait dangereusement. Jean Costil et Christian Delorme, CIMAD, 3 rue Diderot, 69001, Lyon. Merci à Mohamed Teman, Sadika Amara, Youssef Boussaha, Kaïssa Titus, Jamel Attala, Christian Delorme et aux habitants de Nanterre. Archivina, Gwen Michel. Prise de son, Benjamin Chauvin, Yann Frécy. Mixage, Olivier Dupré. Manquer, c'est ça? T'inquiète pas, un mois et demi, ça passe vite. Gandhi disait toujours, la patience, c'est merde. Tu te prends pour qui? C'est pas parce que 3 ou 4 boîtes de Montmousseau t'appellent comme ça que ça veut dire que ça va réussir. Écoute, si Gandhi, avec la non-violence, la désobéissance civile... Mais désobéissance civile, tu connaissais même pas de mots avant d'avoir vu le film. Gandhi, c'était un bourgeois, pas un clampin des Minguettes, ça.